Est-ce que ça a un rapport avec la sainteté, d'une certaine façon? La sainteté, oui. En prenant le mot sainteté, comme, pas au sens piétistique, mais au sens de sanité. Être saint sur les trois plans. L'homme est composé de corps, âme et esprit. S'il a intégré les trois oreilles, il a atteint l'état de sainteté. Oui. Alors, la sainteté, c'est la sanité sur les trois plans. L'intégration des trois plans de son être en un seul entité indivisible. Sur le plan spirituel, pourriez-vous me décrire le sel, le soufre et le mercure? Oui. Voici, je disais tout à l'heure que le soufre, c'est l'élément dynamique, le mercure, c'est l'élément magnétique, les deux forces en opposition, le yin et le yang, puisqu'on emploie ces termes-là. Bon, ces deux éléments-là ne doivent pas être en antagonisme, ils doivent se réconcilier. Et pour les réconcilier, c'est précisément le sel qui en fait le sceau, qui intègre un homme complètement. Parce que l'homme est incomplet par lui-même, il y a un élément qui est en carence. Alors, chez la femme, c'est l'opposé. Alors, quand il a réuni les deux éléments de sa nature, qu'il a scellé les deux éléments de sa nature, il est véritablement intégré. Là, il est véritablement sanctifié ou solidifié ou réalisé. Là, il est devenu complet. Il n'y a plus de partition d'énergie. Puis il n'est plus sujet à la mortalité. C'est là que l'élément spirituel rentre en jeu. L'homme n'est plus sujet à la mortalité. Par exemple, la chenille, disons, qui a subi sa métamorphose, n'est plus sujet à la mortalité. Elle devient papillon. Mais le papillon qui sortira le chrysalide, c'est la même entité que celui qui était dans la chenille. Et le sel, le saut qui se fait entre l'élément mercure et l'élément soufre, c'est simplement intégrer l'homme qui est sectionné, hein, et en faire une entité totale. Là, il y a dépassé la condition de mortalité qui est son état présent. Ça a un rapport avec les sept vies des Indiens, par exemple. Exactement, oui. Les sept plans de conscience. Les sept plans de conscience, puis les sept centres d'énergie que j'avais tout le long de l'arbre de vie. Ouais, puis les sept plans de conscience ou les sept planètes qu'on a tous autour de nous, qui nous communiquent leur énergie respective, à mesure qu'ils girent autour de nous, pour nous faire évoluer. Oui, une corrélation entre tout ça, c'est la loi du septenaire. Et quand j'avais atteint l'octave, ben là, c'est un autre plan de conscience, une autre octave plus élevée. On dit que des gens comme, par exemple, l'alchimiste Fulcanelli a réussi... Oui, c'est ce qu'on appelle parvenu, un adepte, on appelle ça un adepte, celui qui a reçu le don, Adeptus, qui a reçu le don. Alors, donc il n'est pas mort. Oh non, il n'est pas mort. Non. Il vit parmi nous actuellement. Certainement, ben oui. Sous une autre forme. Oui. Il a dépassé la personnalité, tu sais, il est devenu, il fait partie du grand tout. Je crois que quand ce lien en parle, d'ailleurs. Justement. Vous avez lu, sans doute, le livre Le Feu du Soleil, hein? Oui, qui est bien précis dans ce domaine-là. Paul Canet, puis combien d'autres aussi. Ah oui. On vous parlait du comte de Saint-Germain, j'ai entendu parler de ce bonhomme-là, de Cagliostro, plusieurs autres aussi. Et nombre d'autres, tout du quantique. Il y en a un très grand nombre. Alors, la chimie vise à atteindre l'immortalité consciente. L'immortalité consciente. Développer cet élément qui est latent en lui, qui est en léthargie en lui, qui est en somnolence en lui. Le Christ dit bien, à moins que vous n'ayez atteint cet état-là, vous n'avez pas de vie en vous. Alors, cet état-là, c'est être conscient de notre véritable être-té. Est-ce que le Christ aurait été un alchimiste? Oh, ben, avant la lettre, oui, souvent. Avant la lettre, oui, certainement, ah oui. Ah oui. Alors, on appelle le processus la christification, toujours au sens solaire, de conscience solaire, oui. Ah oui, ben, tous les alchimistes ont subi le même sort, ils sont disparus du plan, tout en y restant, oui. C'est-à-dire, ils sont devenus imperceptibles au sens, mais ils existent quand même. Mais ils ont été poursuivis aussi beaucoup par la justice. Ou... Ah oui. Ils ont fait peur. Oui. Alors, c'est entendu, prenez dans le temps de Rome, d'Empire romain, et dans le temps de Sanhédrin, naturellement, c'était des menaces pour les deux forces dominantes, hein, l'Église et l'État. Ça a toujours été comme ça. Hein. Alors, les deux ont hésité, finalement, de concert, ils ont fini par s'en débarrasser. Mais on peut pas tuer un alchimiste, hein, ou quelqu'un qui a atteint la conscience solaire, parce qu'il s'est réparti à travers toute la planète. Au début de l'interview, vous avez dit une phrase très étrange en latin, c'est « ora lege, lege, relege, labora et invenies ». Pourriez-vous nous traduire ça et parler un peu du livre? C'est l'exemple d'un livre qu'on a dessus de Métis Libère, le livre muet, qui est un livre de laboratoire. Un livre d'images, quoi. D'images, simplement des images. Il n'y a qu'une phrase et c'est cette phrase. Une seule phrase, c'est l'unique phrase, ça, oui. Et ça veut dire précisément lis, relis, prie, travaille, et tu trouveras. Bon. Alors, documentation ne provient pas rien que de notre cogitation, de lecture que l'on a faite. Ça vient d'un plan supérieur de conscience. Et si vous voyez 100% à cette étude-là, parfois, ça, il vous arrive que ça pense en vous. Ça pense en vous. C majuscule et virgule majuscule. Alors, parce que vous avez... C'est quoi le ça? Ça cet être qui n'a pas de nom, qui est ineffable. C'est pas Alexandre Lachance qui pense. Non. C'est l'âme universelle qui s'infuse en lui, puis elle pense pour lui. Puis devenez un conducteur de un conducteur. Oui, quelqu'un. Vous êtes ouvert à l'âme universelle, à l'âme universelle, à l'âme de la terre, à l'âme de la race. On pourrait dire à Dieu? À Dieu, ben très bien, oui. Dieu, c'est un autre mot pour... Oui, théon, c'est Dieu, théos, deus, c'est Dieu. Ce qui veut dire l'âme universelle, mouvement universel. Alors, dans des conditions comme ça, ça pense en vous dites merci. Merci. Vous dites, j'ai été saisi par une source qui dépasse ma petitesse hominale. Est-ce que c'est au moment où vous faites le magistère que vous sentez ça? Oui, justement. Oui, à certains moments, là, vous dites une révélation. Alors là, vous êtes ébloui de cette chose-là. C'est la conscience solaire qui s'empare de vous quand vous y êtes ouvert. Est-ce que ça peut durer longtemps? Ça dure une fois, vous en avez pour toute votre vie. Vous êtes toujours conscient. Ah oui. Ah non, il n'est pas question de temps dans ce moment-là. Vous avez dépassé l'objectif, le cerveau objectif. C'est transcérébral, cette conscience-là. Elle est transcérébrale, évidemment. On parle beaucoup de méditation transcendantale, mais c'est un jeu de mots. Mais cette conscience-là, elle dépasse la cogitation hominale ordinaire. Ça pense en vous. Puis le « ça », ce que j'appelle le « ça », ben c'est le grand tout qui s'infuse en vous. Alors, ça, c'est le cheminement que vous devez faire, puis ça vous arrive avec la Deo Consulente, avec la grâce de Dieu. C'est un état de grâce, Mon état de grâce, le terme s'applique très bien. C'est un état de grâce, la grâce sanctifiante, Oui, je l'applique, la grâce sanctifiante. Alors, vous êtes sanctifié pas dans le sens que vous êtes devenu un piétistique ou bien plein de bondieuserie, mais vous êtes conscient de la véritable nature de l'être-té solaire. On va entrer dans un chapitre maintenant qui intéresse beaucoup les gens, qui les fait beaucoup parler de l'alchimie, c'est l'art. L'art, pas vraiment l'art. Est-ce qu'un alchimiste, c'est quelqu'un qui cherche à faire de l'art? Est-ce qu'un fermier, c'est un homme qui cherche à faire des pommes ou bien faire des légumes? Il ne peut pas rien faire. Un alchimiste, à part comme un fermier, ne peut pas faire autrement que produire les conditions qui sont favorables à la croissance d'une graine spécifique. Alors, la nature fait de l'art, dans les veines de la terre. Pas l'alchimiste. Mais l'alchimiste étudie les conditions à la faveur desquelles l'or croît dans les veines de la terre, puis les reproduit. Et l'or se fait. Se fait. C'est pas l'alchimiste qui fait l'or. Est-ce que vous en avez déjà fait? Oui. Ça s'est fait? Oui, ça se fait continuellement. Même en aide dans le moment. Oui, ça se fait. Mais je souligne toujours que le mot faire de l'or, ça ne s'applique pas du tout. Ça ne s'applique pas. Donc, c'est pas votre but dans la vie? Oh, non, pas du tout. Mais non, certainement non. C'est de devenir aurique, dans le sens de acquérir un aura qui est véritablement de nature solaire. Pas rien que de nature terre. Une nature terrestre. Alors, l'or, c'est l'or potable, l'or de notre aura, l'or, le cœur d'or, tu sais. L'or qui... Oui, l'or qui nous horrifie, qui nous rend radiants. C'est d'énergie solaire, ouais. Mais c'est possible de faire de l'or pour... Oh, mais certainement, ça se fait depuis des siècles, oui, puis même présentement, ça se fait encore. Vous avez déjà fait analyser, je crois, de l'or? Oui, merci, Montréal, oui. Mon Dieu, c'est pire, c'est ce qui est plus pire qu'on a jamais vu, Oh oui, pas rien que moi. Puis il y a beaucoup de gens qui essaient de vous faire faire de l'art, je crois. Ah oui, il m'arrive une petite bouteille de mercure, ça me rendrait tellement service. Mon budget est à terre. Deux, trois paiements sur mon char. T'as rien compris? Non, mais c'est belle fun. Ah oui, il y a beaucoup comme ça. Ils ne voient pas d'habitude la transmutation. C'est de se transmuer soi-même d'abord, avoir un sens de valeur qui dépasse la matérialité proprement dite. En fin de compte, Les alchimistes qui se sont consacrés à un moment donné à faire de l'art, c'est devenu la chimie, ça. C'est devenu la branche de la métallurgie. Non spirituelle. Non spirituelle, précisément, oui. Oh, oui, il y en a eu comme ça. Ils ont falsifié l'or courant, oui. Ils l'ont falsifié, ils l'ont corrompu, oui. Puis ils ont inondé le marché d'un or inférieur, oui. Ah oui. Parce que l'or alchimique, ce serait plus mou que le plomb. Presque de la cire, C'est presque de la cire. La cire dure, disons, la cire qui sera froide. Mais vous pouvez mettre votre ongle dedans, faire prendre votre ongle dedans. Alors, ça ne sera pas d'utilité dans le commerce. Peut-être même de la bijouterie, ça ne fera pas. C'est très mou, l'or alchimique. Mou comme de la cire. Quelle différence qu'on pourrait donner entre la chimie et l'alchimie? La chimie travaille sur des corps morts, La nature qui est dans le mode vibratoire est ralentie complètement, presque mort. Alors que la chimie éveille l'énergie latente dans dans les éléments. Mais il y en a un qui l'a éveillé, c'est Einstein. Ah, ben oui, il nous a donné la formule pour convertir l'énergie en matière, hein? La matière en énergie, hein? Oui, ben oui, oui, oui, l'explosion de Hiroshima, c'est l'implosion que le chimiste fait dans son creuset. Mais seulement l'une inertive, hein? Ça fait une réaction en chaîne et ça détruit au lieu d'être bienfaisant. Ah oui, Einstein nous a donné cette formule-là, la formule que tout le monde connaît, c'est une formule alchimique. D'ailleurs, après ça, qu'il a dit que j'aurais dû faire plombier. Ah oui, j'aurais dû faire plombier, oui, oh oui. Oui, Einstein, c'est un alchimiste à son insu. Donc, parce que, voyez-vous, la matière n'aura pas d'existence, elle n'était pas intégrée de l'esprit. Et on peut introduire plus d'esprit dans la matière qu'elle n'en contient normalement. Et si vous faites ça, ben ce n'est plus de la matière, ce n'est plus quelque chose de perceptible par les sens. C'est bien quelque chose d'abord de liquide, hein, déjà, puisqu'il y a une force à de la glace, disons, qui est solide, hein, tangible. Alors, ça devient de l'eau, hein, plus de chaleur, ça devient un gaz, plus de chaleur, ça devient de l'éther, proprement dit, hein. Bon. Alors, il y a deux pôles d'être T. L'imperceptible, le spirituel, hein, et le perceptible, le sensoriel, le matériel. Mais en réalité, il n'y a rien qu'un élément. Cet élément-là, c'est le grand tout, l'entopane des anciens. Mais deux pôles de manifestation. Le grossier, le solide, avec ses deux autres dénominations, liquide et gazeux, perceptible par les sens. Mais au-delà de ça, c'est imperceptible au sens. Mais c'est la même chose. Prenez l'énergie psychique et elle affecte l'influence de la matière. Hein? Mais on ne peut pas l'apercevoir par les sens. On l'aperçoit, on s'en aperçoit par ses effets. Il a peut-être essayé parfois, une chose qu'on faisait autrefois, de dissoudre des nuages, faire évaporer des nuages rien qu'en les regardant. Tu as entendu parler de ça? Non, jamais. On va faire un beau, bel après-midi d'été, là, les nuages se promènent du ciel, des cumulonimbus, là, puis vous projetez votre regard pinéal, hein, vers ce nuage-là, puis il va se dissoudre. Hein? Alors, c'est de l'énergie psychique, ça. Hein? Vous dirigez ça vers un nuage qui est à peu près le même mode vibratoire, puis le nuage disparaît. Il faut avoir fait un certain travail sur soi pour arriver à... Bien, réaliser que cette énergie que vous émettez par la glande pinéale, c'est la même énergie, est aussi subtile que l'énergie qui est dans la matière à l'état gazeux. C'est tout le monde qui peut faire ça. Oh, tout le monde peut faire ça, bien certainement. Oh, oui. On a tous en nous des forces. Oh oui. J'avais peut-être entendu parler de bonhomme Uri Geller, avec ses torsions de cuillère, mm-hmm, des choses comme ça. Mm-hmm. Il y a des gens chez nous qui font ça, c'est bien. Celui qui vient chez nous assez régulièrement, prend toutes les cuillères en acier inoxydable qu'il peut trouver, puis sans qu'on s'en aperçoive, il va faire des torsades avec ça. Puis on vous donne ça comme des pretzels par la suite. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie qu'elle émane, elle mobilise son énergie, puis elle influence la matière. Elle altère le mode vibratoire de cette matière-là. Puis elle attend pas comme celle du guimauve, ben du caoutchouc. Mais qu'est-ce qui fait que les humains ont perdu ces sens-là naturels? Ils se sont trop fiés sur leur force musculaire, ouais. C'est la matérialisation de toutes nos puissances, de toutes nos facultés. Alors qu'on peut faire des choses étonnantes, déplacer des objets, sans apport manuel, ça peut se faire, ça. La télékinésie, j'ai entendu parler de ça. Mm-hmm. Ah, mais ça se fait quoi, régulièrement. Alors, dans ce domaine-là, on voit une ligne de démarcation entre l'esprit et la matière. En réalité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ligne de démarcation. C'est dans notre perception que l'on voit une espèce de scission. C'est comme la vie et la mort. Précisément, ben oui. Ou bien l'état d'éveil puis l'état de sommeil. Il n'y a pas de scission dans la conscience entre l'état d'éveil puis l'état de sommeil. Pas de ligne de démarcation, hein. Au fait, les images mentales dont vous êtes conscient durant votre sommeil, ils ont le même cachet de réalité. Parce que votre conscience est dirigée vers l'intérieur, hein, vers le psychisme. Et ça, c'est de la matérialité. Alors, parce que votre conscience est dirigée vers l'extérieur, l'aspect sensoriel. Mais il n'y a pas de ligne de démarcation entre ces deux modes de manifestation de la matière. Ça, c'est un plan, une octave inférieure, puis plus haut, c'est une octave supérieure, mais la même chose. Parler d'octave, c'est presque comme de la musique. Ou... Exactement, oui, oui. Puis c'est la voix du septenaire, oui, les octaves. Ouais, c'est comme les couleurs aussi. Absolument. La voix chromatique, absolument la même chose aussi. Alors, ce sont des doigts variables, ça. La trinité, le septenaire ou l'octave, puis le duodénaire, ouais. Deux sources de provenance. Ouais. Les gens qui ont travaillé, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé en musique ou sur les couleurs et qui savaient ces doigts-là? Qui... En 1910 ou 12, un peu avant la Première Guerre, il y avait un alchimiste, Spencer Lewis, celui qui a fondé le groupe de Rosicruciens de la marque, là, qui a fait un orgue chromatique. En jouant sur un clavier, il faut jouer une symphonie de couleurs sur un écran qui va devant. Là, on va parler de ça. Alors, une mélodie quelconque sur le clavier se traduisait sous forme de symphonie de couleurs sur un écran. Alors, il y a une corrélation entre les couleurs, la gamme des couleurs et la gamme des sons. Et je on sait que même... Si vous détachez le nerf optique, puis vous le reliez au nerf auriculaire de l'oreille, alors vous allez entendre la musique, puis vous allez voir les sons. Ça s'est fait. Alors, toutes les vibrations. Les vibrations sont perceptibles par un sens ou par un autre. Ouais. Mais toutes les vibrations, pareil comme le système de télégraphie Morse. Hein. C'est toujours la même chose, uniforme, hein, monotone. Mais ça peut représenter une tragédie ou bien une comédie, hein, par celui qui sait lire les choses. Alors, toutes les vibrations dans l'univers. Au fait, je disais tout à l'heure que le mot Dieu vient du mot théon, dont on a fait théon, c'est Deus, etc. Théon, c'est le mouvement universel ou la vibration universelle. Ouais. La matière est vibratoire. La matière est vibratoire. Plus le mode vibratoire est ralenti, bon, plus il y a d'affinité entre les particules, plus il y a de cohésion. Bon, alors, réduisez, amoindrissez l'affinité, la cohésion, alors vous aurez une matière plus subtile. Un liquide, un gaz et de l'éther. Vous parlez de subtilité, c'est un peu ce que vous cherchez à devenir plus subtil. Oui, justement, oui, oui. Plus subtil. Moins... Parce qu'on est spirituel, oui. Et que notre destin, c'est d'être conscient de notre véritable nature. Pas dire, je pense, qu'une masse de matière. Moins attaché aux sensations ou aux positions de mort ou de guerre. Ben oui, justement. Ça, c'est les mots de matérialité, oui. Des fausses interprétations de ce que sont les vraies valeurs. Quelles sont-elles, les vraies valeurs, justement? C'est l'unité, l'unicité du grand tout. Tout se retient. Tout est grégaire. Le monde, ce n'est pas une multiplicité d'objets disparates. C'est seulement un tout qui a une multitude de particules. L'univers, c'est une diversité d'unités, mais qui forme un tout. Alors, dès qu'on a atteint cette conscience-là, on a accès au grand tout parce qu'on en fait partie, qu'on en est conscient. Ça, on peut appeler ça la conscience cosmique ou la conscience christique, ou la conscience véritable, la conscience solaire. Alors, on pourrait dire que l'alchimie a un côté où on travaille sur la matière, mais un côté aussi presque mystique, spirituel. Oui, on travaille sur la conscience, proprement dit, la conscience de soi, la science de soi. C'est l'axiome des anciens, un acheté ipsum, hein, connais-toi toi-même, du temple de Delphes, de Platon. Ouais. C'est une espèce d'ennoblissement. Oui. Comme on ennoblit la matière. L'alchimie vise à ennoblir la matière, ennoblir l'homme, vraiment l'hominiser, pas rien que laisser demeurer un bipède pensant ou cogitant. Oui, ennoblir la matière, oui. Déifier l'homme. Je répète encore mon saint Thomas d'Aquin. Adorote, devote, latens deitas. Je t'adore avec vénération ou déité latente en moi. Hein? Alors, c'est ça que voulait dire l'hymne au Christ, l'hymne à l'être solaire, à la conscience solaire. C'est qu'il y a eu un grand alchimiste qui a été médecin, qui s'appelle Paracelse. Ah oui, Paracelse. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui. Paracelse travaillait en Suisse, surtout à Berne. Hein? À Berne. Et... Il s'est inspiré de deux de ses prédécesseurs. Vers quelle époque, à peu près? 1500. Alors, son but, c'était la thérapeutique, hein, parce qu'il était surtout médecin. Il a fait deux élixirs, un élixir solaire puis un élixir lunaire. Cet élixir-là avait pour but de décarboniser l'entité cellulaire d'un individu. Décarasser. Oui, de toute l'hétérosphérité qu'il aurait pu absorber depuis sa naissance. On se nourrit de nourriture organique et on éjecte ce qui ne nous convient pas, mais pas tout. Alors, les cellules, qu'on pourrait comparer à des petites éponges miniatures, dont le but est d'absorber de l'eau, s'il y a de la poussière dans l'eau, alors les cellules vont devenir bouchées, les pores vont devenir bouchées. Et ultimement, ils absorberont moins de vie à mesure. C'est ça qui causera la sénescence, le vieillissement. Alors, la médecine de Paracelse, qu'on appelle les archidoxies, a pour but d'épurer le système, ainsi que le cerveau aussi, parce que je fais partie de l'organisme, de toutes ces entraves au bon fonctionnement des forces de la vie. Même les sons ou des sensations mauvaises qu'on aurait eues? Ah oui, on avait un centre dans le cerveau qu'on appelle le centre de Broca. Il est comme, on dit que c'est un centre qui est psychoplastique. Ils enregistrent des impressions, agréables ou désagréables, de manière bienfaisante ou malfaisante. Parce que l'essence, c'est de la matière en mouvement, n'est-ce pas? Alors, la matière en mouvement a une répercussion sur le système aussi. Créer de l'anarchie dans le système. Et le cancer, je crois que c'est une anarchie. Ah oui, c'est un cas d'anarchie cellulaire, oui. C'est pas moi qui a fabriqué le terme. Le cancer, c'est un groupe de cellules qui, pour une raison ou pour une autre, refuse de se comporter comme les autres. Bon. Alors, c'est un moyen de défense que d'abord le système emploie pour se débarrasser d'une toxine quelconque. Mais, cette enveloppe que produit le cancer autour d'un groupe de cellules cancérigène. Alors, ça devient chronique. Et cette thériaque-là, par essentielle, vous pouvez la faire. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est le but, oui. C'est mon but à moi, je ne travaille rien que sur ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Comme ça, un alchimiste peut se spécialiser directement dans dans la thériaque, dans la thérapeutique. Ah oui, c'est ce qu'il doit faire, oui. Est-ce que vous utilisez cette thériaque-là pour des gens? Oui, je l'ai faite un peu trop dernièrement, puis ça m'a causé bien des ennuis. En des cas, comme on a parlé dernièrement à l'hôpital, les hôpitaux. Puis aujourd'hui, il y a 30 et 40 cours après moi pour se désintoxiquer. Mais toujours des médecins. Et c'est dangereux pour vous? C'est dangereux parce que je sais pas qu'on me persécutera. On me condamnera. J'ai pas de droit, j'ai pas de passeport dans la médecine, c'est tout. Ouais. Moi, la seule compétence que j'ai en médecine, j'ai fait un peu d'histologie, d'études de tissus. Alors, j'ai constaté, moi et 5 ou 6 autres, on a constaté que le tissu, disons, d'une verrue, tissu d'une plaie, d'une gale, disons, puis le tissu d'un cancer sont identiques, toujours. Ils sont identiques. Les cellules en hiérarchie. Alors, on peut faire disparaître une verrue facilement, ou bien une gale se disparaît, une tumeur aussi, puis le cancer, ça fond complètement dans l'eau chaude. Avec votre cellule christique, oui, impliquant cette cellule-là. Oui, oui. Il y a des gens, je crois même, qui vous envoient des bouteilles par la poste pour... Oui, j'en ai 3-4 à la maison. Pour recevoir, c'est... Oui, oui, mais j'en ai un kilo, oui. Ah oui, beaucoup font ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à cette science-là, justement, cette médecine-là et cette chimie-là qui vous refuse d'opérer? Rien faire contre la main, on ne peut rien faire. Le matériel médical, ainsi que la pharmacopée, hein, les gens qui fabriquent des remèdes, Ayers puis compagnie, ils veulent pas accepter ça. Ils veulent la monopolie de toutes les thériaques qu'il y a, que ce soit des nostrums ou bien n'importe quoi. Des placebos, même des placebos, ils en veulent la monopolie. Alors, non, on fait face à une institution de plusieurs générations. Oui, ça fait longtemps que les alchimistes sont les plus faibles dans ce domaine-là. Ah oui, oui, oui, ils ont le propre de la médecine. Ouais. Et vous pensez que c'est pourquoi que les alchimistes ont perdu cette... Parce qu'ils n'ont pas été très nombreux, ça vient, il y en a quelques-uns par siècle seulement. Quelques-uns par siècle, oui. Mais vous, dans ce siècle ici, il y a les deux dont je vous parlais, Foul Canelli, Cancelier. En Inde, il y a eu les frères aînés, les frères aînés de la Rose-Croix. Et Roger Caro, qui est leur représentant à Saint-Cyr-sur-Mer. Et nous sommes deux à Montréal, qui travaillons depuis quelques temps. Moi, je travaille depuis 26. Et Denis Kling, oui, qui travaille depuis quelques temps. Depuis peut-être une dizaine d'années aussi. Et aux États-Unis, à Salt Lake City, oui, chez les Mormons, il y a un groupe qui étudie l'aspergérie. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que c'est que l'aspergérie? L'aspergérie, c'est médecine végétale. Ah. Une médecine végétale. Tandis que nous, alchimistes, nous travaillons sur la médecine minérale. On prend un sel imputrescible. Tandis que la médecine aspergérique, ce sont des quintessences faites avec des plantes. Ça ne dure pas longtemps. C'est putrescible. Tandis que la pierre est imputrescible. C'est pour ça qu'on travaille sur une pierre. Il y a deux voies dans l'alchimie. Il y a la voie sèche. Oui, la voie sèche. La voie humide. La voie humide. La voie sèche est rapide, mais est très dangereuse. Les gens qui travaillent sur la voie sèche prennent de l'uranium, absolument. Mais vous savez qu'avec l'uranium, on fait de l'eau lourde, n'est-ce pas? C'est avec ça qu'on alimente les réacteurs atomiques. Alors, c'est très dangereux. L'uranium est très dangereux. Les gens qui travaillent en voie sèche travaillent avec un four, je crois. Avec un four, oui. Ouais, c'est ce qu'on appelle. L'atanor. L'atanor, proprement dit. Moi, je prends l'atanor de verre. Puis l'atanor, c'est mes trois ballons qui sont reliés l'un à l'autre. Oui. Si on parlait maintenant des grands alchimistes, les gens vont être surpris comme Jean 22 et Saint-Vincent de Paul. Ah bon, Saint-Vincent de Paul, c'est notre Foul Canelli qui nous en parle. D'après des notes que l'on a trouvées dans la fraternité des frères aînés de la Rose-Croix. C'était le 18e impérateur de l'ordre des frères aînés de la Rose-Croix. Foul Canelli en parle. Pour vous donner exactement son texte, il faudra que je réfère au deuxième volume des Demeures philosophales. Jean 22 avait fait la connaissance de Raymond Lulle, qui était un moine bénédictin. Et ils ont travaillé ensemble à Avignon, quand le pape est exilé à Avignon. Ils ont produit du métal à ces grandes quantités pour bâtir le Vatican, quoi. Vous dites du métal, c'est de l'or. Ah, de l'or, oui, justement, oui. Alors, c'est ce qui a permis de bâtir le Vatican, qui est l'endroit le plus riche au monde, hein. Ouais. Et Saint-Vincent de Paul, il a fondé des institutions charitables pour les enfants pauvres de Paris. Et en Inde, on en fabrique aussi, normalement. Et oui, à Junta, en Inde. Chaque examen. Puis quant à Saint-Cyr-sur-Mer, ben, on enseigne un peu. Avec nommé Roger Caro. Et, Salt Lake City, le Collège des Mormons, là. Oui, Salt Lake City, c'est bien ça, dans l'État. Là, on enseigne l'aspergérie. Puis moi, je suis pas allé, je devais y aller l'an dernier, mais je pense que j'ai pas besoin de ça. je référais toujours, on m'a invité 3-4 fois. Et en France, ben, il y a un collège qui veut faire de l'aspect juridique. Puis ils veulent ouvrir un centre au Caire, à Héliopolis, au Caire, en Égypte. Vous parlez des frères aînés de la Rose-Croix. Est-ce que vous faites partie de... Oui, je fais partie du groupe. C'est ma seule adhérence, oui. Quel rapport vous avez avec eux? Ce sont des rapports... Correspondance, simplement, oui. J'ai écrit quelques articles qu'ils ont publiés l'an dernier, l'année précédente, 3 articles. Ouais. Il y a le Centre des études chrétiennes ésotériques de Genève, j'ai peut-être entendu parler de ce centre-là, de Boris Mouraviev. Alors, je fais partie de ce groupe-là. Et en métaphysique, ben, je fais partie de l'Université mondiale, c'est The World University Roundtable, ça. Qu'est-ce que c'est que cette... Ça, c'est 13 universités qui se vouent à la métaphysique. Je fais partie de ce groupe-là aussi. Et ces groupes-là... des groupes des alchimistes, oui. Et ça aussi, le centre des chrétiens ésotériques, oui, de Genève. Ça part de Paracelse. Quand vous trouvez quelque chose, est-ce que vous le dites à... Oui, je communique avec eux. Oui. J'ai fait plusieurs bulletins pour le Centre d'études chrétiennes ésotériques, plusieurs bulletins. Pour l'ordre des Templiers, ben, de temps en temps, je correspond avec eux. Et ça, l'université, la table ronde de l'Université mondiale, ben, je suis en train de traduire tout l'enseignement pour les années au mois de septembre prochain à l'Université de Montréal. Je fonde 13 conférences. Ces groupements-là ont été beaucoup... ont été jugés beaucoup dangereux par l'Église catholique. Ah, oh, ben oui, parce qu'on révèle, on dévoile les mystères, quoi. Les mystères qu'ils ont, eux oui, aussi. Oui, les autres veulent les tenir cachés, parce qu'ils aiment à tenir les gens dans l'ignorance. Hein. Oui. Alors, là, le temps est venu de mettre les choses à la lumière du jour. Pourquoi le temps est venu? Pourquoi pas y... Parce que, voyez-vous, la race humaine, pareil comme les familles humaines, puis les individus, ont un cheminement à faire. Une naissance, une croissance, une maturité, puis une dégénérescence. Alors, cette race-là, elle va disparaître. Pareil comme les races qui ont précédé la race adamique, elles sont disparues une après l'autre. Et ceci va disparaître. Alors, il faut une nouvelle race. Alors, cette nouvelle race, on a commencé au tout début des États-Unis, hein, les Rosicruciens de Hollande ont fondé New York, etc., puis tout ça. Alors, c'est un nouveau monde. Il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux, puis une nouvelle race aussi. Alors, une nouvelle race, simplement. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant de bouleversements? Oui, exactement ça. Autant de guerres, autant de souffrances? Alors, cette race-là, cette civilisation-là est vouée à disparaître. Parce qu'elle est corrompue, puis est en train de corrompre la planète aussi, polluer la planète. Alors, graduellement, elle va se désintégrer, puis une nouvelle race plus saine, plus jeune, comme ça j'en dis, une nouvelle terre des nouveaux cieux, surgit en Amérique. Et l'Amérique va être le berceau de cette nouvelle race, le nouveau monde, quoi. Alors, ça fait bientôt 300 ans que c'est commencé, mais une race, ça prend plus de temps que simplement un petit nommé. Alors, cette race-là, qui est en décrépitude, est censée disparaître. Puis les temps approchent, c'est considérable. Bientôt, probablement avant la fin du siècle, on aura une exode d'ailleurs, venant d'ailleurs. Ouais. On va être étonné, mais... Ceux qui savent, ils vont dire, ben, ça fait longtemps que ça annonce. Ah oui, on va être occupé par des extraterrestres. Est-ce que ça pourrait être dangereux? Non, pas dangereux. Au contraire, ça va être bienfaisant. Ça va être bienfaisant. Ah oui. Parce que la race, l'homme ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'a pas été guidé par des extraterrestres, par des célestes, dans son cheminement. Il est tombé, il s'est atterri sur une planète qui était hostile, alors pas avoir eu l'aide des frères d'ailleurs, de nos... Donc, j'ai mis d'ailleurs, comme dit Monsieur Schaffner, il n'y aura pas pu subsister. Ce sera encore le Néandertal, le Cro-Magnon. Alors là, il y a une semblance de civilisation, plus ou moins plausible, mais alors... Il n'y a pas de frères d'ailleurs actuellement? Oh, il y en a. Il y a 1300 en existence sur la planète, 1300. Ils sont un peu en latence dans le moment, mais regardez, ça va surgir tout d'un coup. Ça. Le temps venu, ça va surgir. Les Templiers en font partie. Une nouvelle ordre des Templiers, une nouvelle ordre du Temple. L'ordre rénové du Temple, il est peut-être en train de parler de cette ordre-là. Mm-hmm. Bon. Alors là, commence à préparer le terrain pour l'occupation des supérieurs inconnus. On peut les appeler les supérieurs inconnus, c'est un terme qu'on emploie parfois. Legge. Ora. Labora. In venire. Monsieur Alexandre Lachance, je tiens d'abord à rassurer nos auditeurs qui pourraient se poser des questions en vous entendant. Vous n'avez ni la barbe blanche de Merlin l'Enchanteur, vous n'avez pas de poudre de Perlin Pimpin avec vous, vous n'avez pas non plus la grande robe de Panoramix, le druide d'Astérix. Après toutes les caricatures qui ont été véhiculées sur l'alchimie et les alchimistes, on va essayer ensemble de replacer tout ça dans un contexte plus global. Est-ce que vous pourriez me donner d'abord votre petite histoire, me brosser le portrait un peu d'où vous venez? Quelles sont vos études, par exemple? Mon autobiographie, je vous la cède succinctement. Il n'y aura rien de dramatique ni de sensationnel. Mon cheminement était celui de tous les alchimistes. Ils ont d'abord pris connaissance de quelque chose qui dépasse l'entendement objectif, et ils se sont souciés d'appréhender ce qui gisait au-delà de la simple matérialité. Quelque chose qui nous arrive tous plus ou moins rapidement au cours de notre vie. Et quand cette intuition s'empare entièrement de nous, on n'a pas de repos tant qu'on n'a pas mis la main sur la clé qui mène au dévoilement des grands mystères. Vous êtes né en 1903, je crois, à l'île Précisément, d'Orléans. à l'île d'Orléans, je suis pour me déplacer presque immédiatement à Québec, où j'ai poursuivi mes études au séminaire de Québec. Plus tard, j'ai déménagé en Floride, à Jacksonville, où j'ai suivi des cours de biopsychologie. Et je suis revenu à Québec pour poursuivre mes études en métaphysique. Et de 26 à 39, j'ai passé mon temps à fouiller toutes les bibliothèques du monde afin de me documenter davantage sur ce grand mystère. Et en 49, j'ai été interrompu pour une période de 6 ans comme correspondant de guerre. Et j'ai repris en 46 et je n'ai eu de cesse depuis ce temps-là. J'ai mis la main au laboratoire. On dit parfois mettre la main à la pâte. Et j'ai réussi finalement en 59 à faire la première transmutation véritable. Et mon but ultime, c'est de faire une thériaque, une thérapeutique qui vise à alléger les souffrances du genre humain. Et épurer la matière dans ses trois règnes. L'épurer dans le règne métallique, dans le règne végétal et dans le règne hominal, je veux dire chez l'homme, afin de rendre son entité cellulaire plus réceptive de vie. Alors, c'est précisément ce à quoi je visais toute ma vie et vers quoi je me dirige ultimement. Avant de travailler en alchimie, vous avez été professeur, je crois. Oui, j'enseignais les langues, j'enseignais les mathématiques, j'enseignais les humanités en général. J'ai travaillé aussi comme professeur privé dans différents endroits. Vous avez été aussi violoniste. Ah oui, j'ai joué à la symphonie pendant 4-5 ans. Symphonie de Québec, alors qu'on devient Robert Talbot, qui était comme directeur. C'était une formation qui m'était bien agréable, ça. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un humaniste? Humaniste, oui. Pas nécessairement au pied de la lettre. Je veux dire que la connaissance humaine ne vient pas rien que de la participation des terriens. Oui. Avec cette restriction-là, oui, je suis un humaniste, définitivement. Ouais. Votre père était chimiste, Il était chimiste consultant. consultant, précisément. Oui, il a travaillé à Sèvres, oui. Il faisait de la porcelaine, oui. Est-ce que ça a eu une certaine influence sur vous? Oui, définitivement, parce que oui. Puis, à Sèvres, il y a Limoges aussi, il a travaillé à Limoges. Au fait, chez nous, aller jusqu'à quelque temps, on avait encore des faïences de Limoges, des choses précieuses. On n'en a plus maintenant, c'est que je sais plus ces choses-là. De Sèvres et de Limoges, il y avait des faïences qui étaient précieuses. Mais qui en particulier dans votre vie vous a donné le goût de l'alchimie, qui vous a initié? C'était un professeur au séminaire qui m'avait, pour ma thèse, suggéré de traduire un anonyme latin. Son nom était Henricus Mandatamus, le texte était la Renaissance de l'Âge d'Or. Et quand j'ai traduit ce texte-là, j'ai réalisé qu'il y avait des choses infiniment précieuses qui étaient demeurées obscures au cours des siècles, de ce texte grandissant. Alors, j'ai traduit ce texte-là, écrit par Jacob Böhm et un autre aussi, et ça m'a lancé dans la poursuite de la quête alchimique, quoi. Vous me disiez, par exemple, que c'est des choses qu'on ne vous a pas enseignées au séminaire. Oh non, au séminaire, on nous enseigne les humanités en général, les deux langues, classiques, grec et latin, et un peu d'histoire, de Grèce. Mais il y a les races préadamiques qui nous ont légué beaucoup aussi. Au début de la table d'émeraude, un des livres qui parle du processus alchimique, on peut lire « Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas ». Est-ce que ça a un certain rapport, cette phrase-là, avec la Bible où on dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance? Précisément, nous sommes produits de son imagination, oui. Puis, présentement, me vient à tête le texte même de l'oraison dominicale, Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est exactement la même chose que la table d'émeraude. Ce qui est sur la terre devrait être comme ce qui est dans les cieux. Voyez-vous l'analogie qu'on peut établir tout de suite entre ces deux grandes invocations-là, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ou inversement, et on supplie les forces supérieures d'établir la même harmonie sur la terre qu'il y a dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Bon, alors ces deux codex-là, codex liturgique, ont une similitude et une concordance parfaite. Alors, la religion et la métaphysique transcendantale visent au même but de se transcender, de se transhuminiser, pour ainsi dire. Alors, quand l'homme est bien humanisé, il n'est plus un bipède pensant. Alors, c'est ça à quoi vise toute liturgie et toute initiation. Que l'homme se transcende, qu'il devienne conscient de son origine solaire. L'homme est véritablement une étincelle du brasier solaire, et à moins qu'il développe sa conscience solaire, sa conscience christique, même signification, même étymologie, alors il n'a pas atteint le but pour lequel il a été créé. Vous dites que l'homme doit s'humaniser. On n'est pas humain comme... C'est humanisé, oui. Nous sommes des bipèdes pensants. Il y a un hominien, puis il y a un homme parfaitement conscient de ce qui réside dans lui, de la main dans son gant. Hein. Alors, il y a la scaphandre qui s'exhibe extérieurement, puis il y a le scaphandrier à l'intérieur. L'homme doit être conscient du scaphandrier à l'intérieur de sa scaphandre. Ouais. Alors, nous sommes humains, mais en transcendance, en cheminement vers le divin, parce que l'homme est véritablement une réplique de son créateur. Alors, qui est ce créateur? Qui au quête, les deux exigent une majuscule. Bon, c'est le grand inconnu, mais c'est le grand tout, l'entopane de la table d'émeraude aussi, un le tout. Hein. Mais dire qui, c'est le personnalisé. Puis quand vous tombez dans ce domaine-là, il n'y a plus question de personnalité, c'est simplement des rôles que la vie et les circonstances environnantes nous imposent. Alors, on a atteint l'impersonnalité, là on a affaire au grand tout. Alors, il n'est plus question de personnalité. L'homme est véritablement dépersonnalisé, il fait partie du grand tout. Alors, dire qui, c'est simplement l'anthropomorphier. Alors, on a des conceptions anthropomorphiques de Dieu. On a fait un Dieu à notre image, à notre ressemblance. Alors, c'est le contraire que l'on doit concevoir. Alors, vous parlez, par exemple, du jardin de l'Éden. Oui, de l'Éden, oui. Nous venons d'ailleurs, n'est-ce pas? Nos ancêtres étaient des célestes, des extraterrestres. Et, pour une raison ou pour une autre, leur résidence, le lieu de leur habitat ne convenait plus. Alors, ils ont cherché une planète ou un plan de conscience qui leur convenait mieux. Ils ont fait 5 ou 6 exodes, pour enfin se localiser sur la Terre. Et pendant les 6 jours, que Moïse appelle les 6 jours de la création, ils ont conditionné, animalisé, hominisé la Terre. Ils ont fait un jardin expérimental où ils ont placé des célestes pour faire une race spéciale, supérieure aux hominoïdes ou aux anthropoïdes qui existaient auparavant, aux races pré-adamiques, disons. Alors, ces gens-là venaient directement de Vénus. Nous sommes des Vénusiens, c'est-à-dire dans l'ancestralité vénusienne. Alors, ce sont ces guides, ce que Mgr Schaffner appelle nos amis d'ailleurs, qui ont colonisé la Terre, hominisé la Terre, et là, il s'agit simplement de la faire dépasser toutes les conditions purement animales ou hominales qui existent à la surface de la Terre. Quand vous parlez des 6 jours, ce sont les 6 jours dont on parle dans la Bible. Précisément, les 6 jours de la création. Puis ces jours-là, je dirais, ce sont des jours de 2160 ans, des journées solaires, ouais. Pourriez-vous nous donner l'étymologie maintenant de l'alchimie? D'où vient le mot alchimie? Alchimie provient de la provenance de Al, chimia, qui vient d'Égypte. Ça, c'est une étymologie, parce que chimia, chimie, c'est l'Égypte. Hein. D'autres diraient, c'est la chimie des forces supérieures, ou la physique, la connaissance des forces supérieures. D'autres, Roger Caro, par exemple, prétend que alchimia, c'est la chimie de Al. Al, c'est un symbole de Dieu, n'est-ce pas? Al et elle. On a elle, Alion, etc. Elle, Allah, etc. Alors, trêve d'étymologie, on peut dire c'est la chimie des plans supérieurs d'être-té. Ah. Vous avez parlé d'Égypte, mais l'alchimie, je crois, n'est pas née en Égypte. Non, elle provient d'ailleurs. Ce sont les dernières rescapés de l'Atlantide, soit ceux qui provenaient de Poséidon, après son premier ensevelissement. La chimie vient directement, ou presque directement, des Atlantes, Héliopolis. Et en ce sens, elle s'est établie en Égypte, où elle s'émet un peu partout, en Mésopotamie, en Inde, au Tibet. Alors, son histoire, je ne dirais pas que se perd exactement dans la nuit des temps, mais elle est très reculée, très reculée. Est-ce que ça aurait eu un rapport à ce moment-là avec une certaine liturgie, par exemple? Oui. Parlant d'étymologie, j'homologue dans mon état, avec Pierre, hein, et Urgos qui fait travail ou l'élaboration. Alors, la liturgie, c'est un symbolisme du travail que fait l'alchimiste dans son creuset. Et le prêtre, qui est l'alchimiste symbolique, fait son travail dans son calice. Il mélange ces matières apparemment inertes, il les rend vivifiantes, Et en se basant sur cette illustration-là, on peut comprendre que la chimie consiste à dynamiser une matière qui est apparemment inerte. Et le but principal, c'est de déifier l'homme, diviniser l'homme, le rendre conscient de sa véritable nature, le rendre conscient qu'il est véritablement une étincelle du brasier solaire, conscient de son dynamisme intérieur. Maintenant, si on part des Atlantes, de l'Égypte, tout ça, il y a certains grands pontifes de la chimie, comme Hermès Trismégiste, qui était égyptien, il y a Bonapolis, Nicolas Flamel, Jean XXII. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de ces gens-là? Voici, en se reculant jusqu'à Hermès, on dit que c'est le père de la chimie. Lui vivait plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien, oui, à la période des Hyksos, dans le temps. Et Hermès Trismégiste, on parle toujours de la science hermétique ou de la philosophie hermétique comme étant la chimie proprement dite. Et après un décalage de plusieurs siècles, on tombe dans au tout début du Moyen Âge avec Nicolas Flamel, Basile Valentin et tous les autres. Ça n'a pas été exactement une période obscurantiste, mais la science a été maintenue dans les monastères seulement. Alors les moines bénédictins et franciscains ont maintenu la chimie sous brosard. Ils l'ont conservé intégrement. Sous brosa, c'est-à-dire? C'est-à-dire sous la table, c'est-à-dire pas l'exhiber au public parce qu'elle aurait été corrompue. Alors, ils l'ont conservé comme ça. Et au 16e siècle, a commencé à surgir de son obscurantisme. Et là, depuis bientôt un siècle, on sait à quoi s'en tenir à celui-là. Puis on récupère tout ce qui a été perdu ou tenu caché depuis ces temps-là. Des gens comme Fulcanelli et Cancellier. Bon, nous sommes ensemble maintenant, au début du siècle. Hein, on a eu ce grand pontife, Fulcanelli, qui incidentellement, c'est un nom de plume qui veut dire le feu solaire, hein, Vulcan et Hélios solaire. Hein. Alors lui, il a révélé au monde, par ses démonstrations et par son enseignement, surtout les belles œuvres qu'il a écrites, qu'il était temps de sortir la chimie de son linceul et de l'enseigner, sinon ouvertement à l'élite. Et Fulcanelli, qui a écrit ces deux œuvres dont on commence à prendre connaissance, les demeures philosophales et le mystère des cathédrales. Parce que les cathédrales ont conservé, sur une forme lapidaire, tous les secrets de l'alchimie. Et exemple, la cathédrale de Chartres et celle de Notre-Dame. Alors, si on comprend le symbolisme qui était exhibé dans ces sculptures, alors on voit que l'alchimie n'est pas restée complètement enfouie dans le sol de l'obscurantisme. Fulcanelli, oui, a écrit ses deux belles œuvres. Et c'est indispensable pour bien comprendre la philosophie qu'il y a derrière toute alchimie. Maintenant, on a eu Cancellier dernièrement qui a fait sa part lui-même. C'était l'unique disciple de Fulcanelli. Il nous a légué deux beaux volumes intitulés respectivement l'alchimie. Et l'alchimie est expliquée par les textes anciens. Alors, ceux qui veulent avoir accès à l'alchimie peuvent s'inspirer de ces deux œuvres-là qui sont le Vademecum de toute alchimie. Il y a une œuvre aussi qui est bien importante dont on parlera sous peu, c'est le Mutus Liber, le livre muet, qui décrit tout le cheminement que le chimiste doit faire pour arriver à capter l'énergie astrale ou l'énergie atmosphérique, l'énergie céleste, pour vivifier la matière, la faire sortir de sa léthargie. Alors ce livre muet est très précieux. Vous m'avez parlé des cathédrales tout à l'heure, et si on revient aux Égyptiens, est-ce que vous pourriez me parler, par exemple, des pyramides et du rapport entre les alchimistes et l'architecture? Je crois qu'il y avait certains architectes même qui étaient des alchimistes. Oh, définitivement. Définitivement. D'abord, il y a ce qu'on appelle la mesure d'or, le rayon doré. Hein? Et la mathématique a sa place dans toute philosophie, parce que tout est posé sur le nombre et sur la règle. Hein? Et il y a des mathématiques spatiales aussi bien que des mathématiques de temps. Hein? Alors, les pyramides avaient en alchimie, en Égypte, le même effet que des lentilles pourraient avoir pour convertir la lumière, pour polariser la lumière aussi. Si vous prenez une lentille quelconque, vous pouvez concentrer les rayons de soleil, n'est-ce pas? Et les pyramides avaient pour effet de converger les rayons sidéraux ou astraux de manière à fertiliser le sol aride de l'Égypte. Aride, c'était le sable qui prédominait. Alors, pour faire croître le papyrus sur les bords du Nil, alors il fallait avoir des capteurs d'énergie astrale. Alors, les pyramides étaient véritablement des fertilisateurs du sol. Et bien autre chose aussi, c'était des musées lapidaires qui contenaient dans les graffitis qu'il y avait sur les murs et à l'intérieur également des formules très précieuses. On les a retenues, il y a des grands égyptologues, Maspero, Mariette, qui nous ont révélé ces choses-là. Et depuis que Champollion nous a donné ce dictionnaire égyptien, on sait que la civilisation qui nous a précédé, ou les civilisations, je dois dire, qui nous ont précédé, nous ont légué tout un héritage qui est précieux de retracer et de se prévaloir. Je crois qu'il est encore possible d'utiliser la forme pyramidale pour faire certaines choses en Oh oui, même depuis quelque temps, on a constaté la valeur thérapeutique de la pyramide, pour l'être humain aussi bien que pour la Terre. Par exemple, quelques applications. Prendre un sol au-dessus duquel il y aura une pyramide sera bien plus fertilisé bien plus facilement. On peut faire sur le même terrain, vous mettez des laitues sous une pyramide, elle va croître infiniment plus rapidement que dans les alentours. Une pyramide comment, de verre? Non, ça pourrait être une pyramide de bois, simplement, oui. Pour briser les rayons de l'espace, parce qu'il y a des lignes de force dans l'espace. Alors, quand ces lignes de force sont contrecarrées, puis sont mises à un point central, un point X qu'on pourrait appeler un rayon X, le terme s'appliquerait, alors l'énergie est centuplée, au moins. Pareil comme l'exemple que je prends, la lentille, quand les rayons solaires convergent vers un certain point, alors vous pouvez mettre le feu... une matière inflammable environnante. Hein? Est-ce que cette pyramide doit avoir cette certaine loi de mesure? Oui, il y a des lois de mesure, oui. C'est la loi de la pyramide triangulaire, oui, mais seulement quadrangulaire aussi. Et elle doit avoir une certaine angulation qui respecte les courants de force qu'il y a dans l'espace. Parce que l'espace n'est pas du vide qu'on a l'habitude de croire. L'espace est plein de courants, d'ondes. Alors, toute cette science-là... pourrait même charger des batteries, je crois. Oh, définitivement, oui. Dernièrement, on a sorti une coupe de volume qui traite des puissances de la pyramide, puis on a mis ça à l'épreuve. Charger des batteries, momifier des fruits, et ou du moins les préserver indéfiniment. Et aussi, ça a un effet salutaire sur le système humain. Et une pyramide assez... de 6 pieds de hauteur, disons, vous passez une demi-heure en dessous de ça, vous êtes survolté, surchargé d'énergie. L'énergie astrale. Pareil que une cure de bain de soleil, c'est salutaire. Là, c'est de l'énergie astrale. Oh, oui, la pyramide est précieuse. Pendant qu'on est dans l'énergie, l'alchimie est une science qui part de l'énergie. Précisément. L'inconscient collectif, l'âme de la Terre, les archétypes sont tous contenus dans l'atmosphère, hein, la grande âme, l'atmosphère. Et cette énergie-là, elle est non seulement intelligente, elle est aussi dynamique. Quand vous la captez, vous captez l'énergie qui entoure toute la Terre, le dynamisme de la Terre. Les anciens employaient le terme, Pythagore, par exemple, le grand dynamisme psychique universel. Ça, c'était l'âme de la Terre. Alors, c'est précisément ça que l'on capte et que l'on emprisonne dans des cristaux imputrescibles afin d'en faire des batteries ou des piles d'énergie astrale ou d'énergie solaire que l'on pourra utiliser comme des fins pour catalyser l'énergie et qui est à l'état latent dans l'étoile de la nature. Dans le minéral, il s'agira de l'éveiller de sa latence, dans le végétal, d'accélérer sa croissance, et dans l'homme, de l'épurer de toutes ses souillures qu'il aura accumulées depuis sa naissance. Alors, c'est toute la même énergie qu'on appelle l'âme universelle, ou l'anima mundi, c'est le terme de Platon également. Le soleil est important. Oui, le soleil, on l'appelle Kyrios, Christos. Hein? C'est pas rien qu'une boule de feu qui émane de l'énergie calorifique et générique aussi. Le soleil, c'est un être, un grand être, qui puisse la source d'un autre soleil autour duquel il tourne. Le soleil est le fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est le Père, ça sera sur Terre, hein, ou Sirius, en constellation du Grand Chien, et notre soleil tourne autour de ce centre. Et pareil comme la Terre tourne autour du soleil, la Lune autour de la Terre, etc. Et de cheminement en cheminement, comme ça, vous allez jusqu'au centre, au cœur de l'univers, au cœur de notre galaxie, qui est sur Terre, ou Sotis. Et en partant de là, vous captez cette énergie-là, dans le temps où l'énergie est plus abondante à la surface de la Terre, soit dans le temps de Pâques, dans le temps du passage des planètes les unes envers les autres, envers le Soleil, et vous captez cette énergie-là, donc vous servirez pour des fins bienfaisantes à mesure que vous saurez comment l'appliquer. Comme ça, se faire bronzer, c'est pas seulement une mode, ça peut être... Oh oui, c'est solitaire aussi, parce que vous captez de l'énergie. Oh, oui. J'avais un plexus solaire dont le but est de convertir l'énergie solaire en énergie humaine. Ah oui. Puis l'énergie est corpusculaire, pas rien qu'ondulatoire. Elle est corpusculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une cellule, mais c'est de l'énergie qui entoure la cellule. Ouais. Elle qui l'imprègne. Et la Lune, elle, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? La Lune a réfléchi. La Lune ne fait que réfléchir. C'est de la lumière polarisée. La Lune, c'est de la lumière polarisée. Ouais. Tout ce qui est existant sur la Terre est entouré d'un champ magnétique quelconque. Et la matière n'aura pas d'existence si elle n'était pas imprégnée de l'esprit. Par esprit, je veux dire la source de vie qui l'intègre, qui lui donne sa consistance. Alors, cette énergie-là, c'est l'âme universelle. D'autres l'appellent le sperme universel, parce qu'elle donne la vie à toute chose. Et si elle se spécifie au règne animal, elle produit un animal selon l'espèce, au règne végétal selon la graine, et au règne hominal, c'est simplement d'améliorer son état d'être-té, faire un agrandissement, une intensification de sa conscience. Pourriez-vous maintenant, on va entrer directement dans l'alchimie au niveau de la matière. Pourriez-vous m'expliquer ce que fait un alchimiste avec la matière? Il se sert de la matière. Il se sert de la matière pour éliciter, pour faire jaillir l'énergie dont elle est le contenant. Maintenant, il l'irrite. Je pourrais faire une comparaison grossière en disant qu'il y a du feu en latence dans votre pierre à feu, hein, dans votre briquet. Mais à moins de l'avoir irrité, de l'avoir simulé, il n'y aura pas d'étincelle, il n'y aura pas d'esprit qui en jaillira. Alors l'étincelle, c'est de l'esprit, pire feu, hein, c'est pire. Alors, là, toute matière contient du feu en puissance. Au fond, la première définition qu'on a du grand tout, c'est le feu. C'est Moïse qui nous la donne, avec son buisson ardent. Quand tu lui demandes, après cette manifestation, « Qu'est-ce que tu as? Qu'es-tu? » Il dit « Ego sum cui sum, je suis l'être, je suis la vie. » La vie, c'est un feu en puissance, qui est localisé dans nos centres endocriniens, qui doivent jaillir périodiquement jusqu'à ce qu'ils atteignent le centre spirituel, le centre le plus élevé. Ça commence tout le long de l'arbre de vie, et ça monte tout le long de la sève rachidienne pour atteindre le plan spirituel, qui est le centre cursique ou le centre solaire. En hindouisme, on parle du feu de Kundalini, hein? Le feu serpent. J'ai entendu cette expression, sans doute, le feu de Kundalini, le feu qui est la racine de l'arbre de vie. Alors, le feu, c'est un mouvement vibratoire fait jaillir tout ce qui est à l'état latent dans la nature. Alors, le feu, c'est précisément ça. L'élan vital, la vie, est un feu en puissance que l'on met en action en l'éveillant de son inertie. Comme ça, il y a des gens qui sont éteints aussi. Oh oui, éteints. Il faut un stimulant pour les réveiller à la véritable nature. Oh oui, il y a des gens éteints. C'est simplement des bipèdes cogitants, plus ou moins pensants. Presque des zombies, des golems, comme dirait Mérinque, hein. Je crois que c'est le Christ qui disait, ils ont des oreilles pour entendre. Justement, oui, ils n'entendent pas, non. Alors, c'est ces gens-là. Précisément, oui. Les gens qui n'ont pas le feu. Non, ils n'ont pas le feu, ils sont inertes, simplement inertes, oui. Si on entrait maintenant dans le magistère lui-même, c'est-à-dire... Voici, il y a une procédure à suivre pour suivre ce grand œuvre, comme on l'appelle. Il s'agit d'abord de se procurer une matière d'élection, que j'ai appelé à plusieurs reprises le synapse, puis le terme lui convient, c'est exactement ce que c'est. D'où est-ce qu'elle vient, cette matière-là? Celle que j'ai employée, moi, provient d'Espagne. On a pris ça à peu près 30 à 40 pieds sous terre, dans la banlieue de Madrid. Alors, ce synapse contient une matière dynamique, une matière magnétique, et un sel qui fait la liaison entre les deux. Et quand on l'a pulvérisé, cette matière-là, c'est une pierre, ni plus ni moins, quand on l'a pulvérisé, et placé dans un atteneur, ni plus ni moins un distillatoire, on l'a réduit en liquide, et plus tard en gaz. Et pour obtenir ce catalyseur-là, faut avoir recours aux espaces célestes. Au mois d'avril, à la lune de Pâques, disons, au passage de la lune devant le soleil. Ce que vous appelez la grossesse de la lune? La grossesse de la lune, oui, j'employais ce terme-là. Quand la lune est dans sa grossesse, oui, enfin. Alors, là, on expose notre, des draps sur les blés, sur l'herbe, afin que la rosée de la nuit puisse imbiber ces draps-là. Quand ces draps sont bien imbibés de rosée, on entoure le contenu à travers un entonnoir dans des récipients, et plus tard, on fait évaporer cette rosée-là au four, car la rosée n'est que le véhicule de photons, de particules d'énergie solaire qui sont réfléchies par réverbération par la Lune. Et quand cette eau est évaporée, il vous reste un résidu au fond de votre pyrex ou votre vase rectangulaire. Hein. Et ce sel-là, c'est du sel atmosphérique. C'est un sel comme du sel. Infiniment plus fin. Infiniment plus mais fin. Mais il ne s'écrit pas de la même façon, je crois. On peut l'appeler sel. Par affinité, SCL, dans le sens qui fait le saut entre le mercure et le soufre, oui. Ah, c'est sceller la matière, parce que la matière, faut qu'elle soit emprisonnée. C'est-à-dire, l'esprit, il doit être emprisonné. Alors, ce qui emprisonne l'esprit, alors c'est le sel, ce qui en fait le saut. On appelle le saut d'Hermès, oui. Quand on disait, vous êtes le sel de la Terre... Oui, le sel de la Terre, c'est ce qui rend la cohérence à la Terre, qu'elle n'est pas... Ouais. Et quand on met du sel sur la langue d'un enfant, quand on le baptise. Justement, oui. Dans la liturgie, que se retient, oui, comme cohérence, absolument. Oui, vous, on parle beaucoup de sacrement. Hein? On nous dit que le sacrement est un composé d'huile d'olive qui véhicule d'un sel et de bombes que l'évêque consacre chaque année. Mais seulement, il faut qu'il y ait autre chose que ça. Il faut qu'il y ait de l'énergie solaire qui fait s'éveiller les centres christiques. Au baptême, on met cette chrysopée-là ou ce. celle-là, sur la glande pinéale, ici, qui est l'éveil de la conscience objective chez l'enfant. On peut remettre aussi en arrière, au plexus solaire. Et à l'extrême onction aussi, à la confirmation. À la confirmation, on fait une imposition d'huile christique ou de 5 grammes également. Comme ça, il y a un parallèle entre toute cette liturgie-là, oui, et la liturgie. La liturgie, oui. Classique. Oh, il y a un parallèle parfait, oui. Si on continue le magistère, on a maintenant notre sel. On a notre sel composé du espace céleste. Et on a notre matière, que je viens de vous décrire, qu'on a pulvérisé et réduit à l'état liquide. Bon. On a un dispositif que l'on emploie qui s'appelle l'athanor. Qui est un gros ballon. En réalité, ce sont 3 ballons réunis par des tubulations afin de faire la distillation de notre matière avec cet instrument-là. On place normalement notre matière pulvérisée, notre matière première, dans le ballon central, et dans celui de droite, on placera ce seul christique. On a repoussé des espaces célestes. Pourquoi christique? Parce qu'il vient du soleil. Ça n'a aucun rapport avec le personnage historique que l'on a déifié, et la vénération des fidèles. Chrysos et Christos, ça veut dire un jour. Chrysos, c'est soleil. C'est soleil. Ah, oui, ça, c'est l'étymologie du mot Chrysos. On appelle ça souvent la chrysopée, l'étude de l'énergie solaire, la chrysopée. Ouais. Chrysopée, il paraît qu'on aurait l'argyropée, l'étude d'argent. Hein. La silicopée, l'étude de pierre, ben, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Alors, c'est les 3 branches de l'alchimie, ça. La chrysopée, argyropée, argyros, et la silicopée. Ça, c'est les 3 choses. Et ensuite, ça, ben, là, c'est le plan hominal, c'est le plan spirituel. Alors, il y a une corrélation entre ça aussi. Il y a un cheminement à faire. Alors, on a notre athanor devant nous. On a notre athanor. Vous avez vu ce triple ballon. Ce ballon à 3 étages, 3 cornets, reliés par 2 tubulations. Et dans notre ballon central, on a mis notre matière pulvérisée, notre matière première. Mais dans celui de droite, on a remis ce sel qu'on a puisé du espace céleste. Là, il s'agira de l'élever, de l'éveiller de sa latence, ce sel-là. Et il nous faudra un feu. Mais ce feu-là, c'est pas un feu que l'on prend en débutant d'autre chose. Ce sera le feu que vous contenez en vous-même, votre énergie nerveuse, que vous irradiez, que vous irradiez. Vous approchez vos mains du ballon et immédiatement ou très, très rapidement, vous verrez ce sel-là, pulvérisé très finement, qui va faire une buée. Et en passant dans le ciel du ballon, dans la tubulation, il va retomber par précipitation sur la matière, qui elle-même a été pulvérisée. Et là, le même phénomène d'ébullition se fait. Et là, ces constituants de la matière vont devenir une huile. Et ça va tomber sous forme de mercure d'abord, et sous forme de sel. D'abord de sel, dis-je. Ensuite, ça, le mercure. Le mercure tombe au fond parce qu'il est plus lourd. Et là, vous avez vos 3 constituants de la matière. Sel, soufre et mercure. Et là, vous l'aurez converti en une huile pour vous en servir pour des fins thérapeutiques. Cette huile-là, ce sera véritablement de l'huile christique, ou du 5 grammes, comme on l'appelle. Bon. Et cette huile-là, quand vous l'imbibez, vous la respirez, et que vous en subissez une imposition manuelle, cutanée, ben, elle va avoir un effet dans votre anatomie, dans votre physiologie. Elle va éveiller, c'est comme une piqûre d'adrénaline, par exemple, hein, qui provient de l'angle adrénal. Alors, ça va éveiller votre centre conscientiel. Habituellement, on l'applique sur le front, au centre écrustique, ou à la glande pinéale, ou au troisième œil, comme on dit maintenant. Alors, vous l'appliquez là. Alors, un homme devient conscient de son aura, de son champ magnétique. Aura, je crois que ça vient de or. Oui, justement, aureum, oui. Aureum, c'est or, oui. Alors, votre aura, ce n'est plus moins ce que vous avez retenu d'énergie solaire dans votre centre conscientiel ici. Et puis, est alimenté par le plexus solaire qui vient ici. Alors, l'imposition christique, l'imposition de chrysopée sur la glande pinéale ici, a pour effet de vous rendre conscient de votre aura. Et votre cœur bat ici. Au lieu d'être conscient de votre pulsion cardiaque dans la poitrine, la pulsion se fait ici. C'est la pulsion glandulaire qui se fait. Et vous devenez conscient de votre propre champ magnétique. Ah. Et là, ce champ magnétique-là, vous dites, ça, c'est mon être-été véritable. Ce qui l'enveloppe, ben, j'en suis presque plus conscient. Ah. Vous dites, ça, c'est mon gang, ma gang, hein, ma gaine, si vous voulez. Et l'être-été véritable, c'est ce qu'il y a dans ça. Vous devenez conscient de ça, de votre véritable nature.